Mickaël à la radio sur Fun Radio. Nous aurions dû avoir Kevin pour la déclaration express, mais malheureusement, comme d'habitude, ça ne décroche pas chez Kevin, ce qui est bien malheureux. Pas grave, tant pis, Love va directement appeler sa copine, puisque c'est pour ça aussi le but donc de la déclaration express, c'est vous êtes peut-être craqué sur une meuf, vous osez pas trop lui dire, tout ça, etc. Bon bah c'est pas grave, hein, nous, y a pas de souci. On est là pour vous rendre service. Pareil aussi si vous êtes si c'est déjà votre copine, et pareil aussi si vous voulez faire une déclaration de rupture. Et là pour le coup c'est pour s'excuser en fait de lui parler tout le temps comme un chien. C'est une amie à lui en fait. D'accord, ah, d'accord. Très bien. Et donc voilà. Bon ben bah, on va appeler la fille directement. Bah c'est fait là normalement. Ah bon, allô? Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Parce que moi je vois toujours Kevin dans le standard, ce qui est pas pratique. Allô, comment tu t'appelles? Oui. Sabrina. Sabrina, merci Lob. Allô Sabrina, tu es en direct sur Fun Radio. Oui, Sabrina, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio, Sabrina. Je t'appelle simplement pour... De la part de Kevin, tu connais Kevin? Oui. Voilà. Eh bien, il avait quelque chose à te dire, Kevin. Écoute bien, nous allons le faire sous forme de déclaration express. Un petit problème dans l'instru, tu veux pas la remettre s'il te plaît? Oh là là là là là là là là, Lobe. Je n'oublierai jamais cette rencontre avec toi. T'habitais à 40... T'habitais à 40 km de chez moi, donc je me suis dit... Voilà, ça va maintenant. C'est vrai que de moi, non, elle n'est pas tout près. Donc y'a toujours des risques. À un moment donné, chez moi je m'ennuie. Et que je décide de voir une autre fille. Souviens-toi cette soirée, ouais c'était la plus belle. Sauf que dehors je l'ai et que je me suis pris une pelle. Direct toi t'as ri. Comme je suis susceptible, j'étais vraiment vexé. Et en râlant je t'ai demandé de m'aider à me relever. Mais t'as refusé, je t'ai supplié et tu t'es barré. Je n'ai plus eu de tes nouvelles depuis quelques mois, au moins 10. Pourtant quand je passerai à Bruxelles, moi je prie pour te mettre ma... Non, ça va aller. Bon, voilà. Allez, hop. Petite déclaration express. Que c'est, on devait avoir Kevin. Toujours qu'il dérape, hein, Lob. Ben c'est vachement péché. Au début, j'ai vraiment dérapé. On devait avoir Kevin au standard, malheureusement, comme il n'a pas les coronets. Comme on dit, oui, hein. Il a eu peur. Voilà, il a eu peur, etc. Du coup, il t'a laissé seul. Qu'as-tu pensé de cette petite déclaration express? Il voulait s'excuser de te parler comme une merde tout le temps, Sabrina. Il pense que je suis méchante. Bah, je ne sais pas, mais en l'occurrence, apparemment, c'est lui qui te parle toujours mal. Bah, s'il écoute, je suis d'accord. Je prends ça comme de l'excuse, mais qu'il vienne me parler tout à l'heure. Voilà, bah, très oui. bien. Qu'il vienne me le dire en face. La pression est mise. Et tu as bien raison. Bon, eh ben, écoute, pas de problème. Sabrina, je te fais des gros bisous. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Bisous. À bientôt, Sabrina. Ciao à toi. Et ben voilà, si vous aussi voulez faire une petite déclaration express, 3044 par SMS, débutez votre message par déclaration. Et puis sinon, vous pouvez également évidemment faire un mail à Sébastien Lob directement, L-O-E-B at funradio.be. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est monsieur Tom là. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Est-ce que vous vous souvenez toutes et tous de Francky Vincent? Comment l'oublier? Bah oui, pour ceux qui étaient sur notre planète, ce Francky Vincent, c'est ça. Y'a pas que la fesse dans la vie, y'a le sexe aussi. C'est un petit peu l'idole de Toff, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement même. Et donc, il avait aussi été dans la ferme Célébrité. Ouais, mais non, moi, pour moi, le meilleur hit de Francky Vincent, c'est celui que Julie préfère. C'est Tu veux mon zizi. Ah oui, bah alors là, c'est... Bah c'était celui-là, écoutez. Tu veux mon zizi. Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi. Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui. Voilà, donc évidemment... Pourquoi on ne passe pas ça le matin sur Fun? Je me pose la question. Mais ouais, franchement, je me demande aussi. Faudrait le mettre en entier quand même une fois. C'est vrai. Ah bah oui, vas-y. À l'occasion alors. Un jour, je suis pas là par exemple. Si je parle de Francky, donc en fait, c'est parce qu'il avait ouvert un restaurant. Mais bon, alors ça s'est pas super bien passé. Et comme tous les grands chanteurs, bah, il a fait une chanson pour raconter son histoire. Francky Vincent, le restaurant, c'est de rêve à réaliser. Avec un personnel à chier. Voilà. Voilà, et donc on comprend qu'il s'est un peu pris la tête avec le personnel, et donc forcément, bah du coup, il a un message pour eux, Francky, hein. En enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres. Voilà, donc il est content déjà, hein, tu vois, on sent bien qu'il est au top, on là. Sent, on sent qu'il a vraiment kiffé travailler avec eux. Donc là, on peut dire qu'il dit ça gratuitement, le Francky, mais alors heureusement, il décrit ce qui se passait aussi dans le restaurant. J'étais absent certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées, il y avait le menuisier qui était servi. Quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. Ah ouais, donc il était pas content. Oulala, hein. Il règle ses comptes. Ouais. Ah oui, il règle ses comptes, ouais. Alors évidemment, c'est pas tout, parce qu'évidemment, la secrétaire y passe aussi. Hein. La secrétaire venait toutes les soirées, sortait avec le client qu'elle désirait, et couchait aussi avec le DJ, envisageait de draguer le cuisinier. Ah, sympa quand même, hein. Ouais, bon. Même le cuisinier, il a failli y passer. Ah, mais rassurez-vous, il y a le serveur. J'ouvre la chambre, moi, devinez ce que je vois. Un serveur ou une serveuse en train de baiser. Eh oui, carrément, hein. Du coup, Francky, évidemment, bah, il a dû renoncer à son rêve, évidemment. J'ai décidé de me séparer de ces crevures. Mon rêve, j'en ai marre, c'est un cauchemar. Vive la chanson à bas la restauration. Et voilà, vive la chanson à bas la restauration. Oh bah, probablement qu'il disait qu'il faut bosser pour Francky Vincent, c'était un petit peu bosser. À la cool quoi. À la cool quoi, bah, voilà. Ouais. Et alors, au final. On est là pour se faire plaisir. C'est ça, mais en fait, il aurait dû faire sa chanson bien avant. Hein. Mais je suis sûr que ça aurait attiré plein de gens dans son club échangiste. Mickaël, à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Exactement, 7h48 sur Fun Radio. Nous allons maintenant écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est tous les matins à 7h15, 8h15 et 9h15. Et nous écoutons les messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou grâce à vous, les filles. Enfin, car vous êtes victimes, justement. C'est grâce à ça que nous avons les relous à l'antenne, évidemment. Puisque le concept est simple, si vous êtes une fille, généralement, ça peut arriver aux mecs, mais plus rarement, eh bien, vous êtes nombreuses à vous faire emmerder, on peut le dire, par les relous du quartier. Ah oui. Et d'ailleurs, ils sont partout. Tout à fait. Donc vous allez en boîte, vous allez en soirée, vous allez entre copines, et il y a toujours un relou qui va débarquer, vous prendre la tête, vous va vouloir votre numéro de téléphone parce qu'il est persuadé que vous serez la femme de sa vie, sauf qu'en fait ce sera pas le cas. Et donc pour vous débarrasser de lui, bah avant vous donniez votre numéro, ce qui en fait était simplement un sursis puisque bah il allait vous appeler le lendemain maximum. Sauf que là, vous donnez un numéro de téléphone, donc vous avez la paix, et quand il appelle, bah il tombe chez nous. Et du coup, nous on se marre. En du moins on essaye. Écoutez maintenant les messages laissés sur cette ligne anti-relou. Tu m'as donné rendez-vous, mais personne n'a arrivé. Je sais pas, tu m'as posé la fin. Tu m'as posé la fin. Je comprends pas. Enfin, tu veux me contacter, tu avais mon numéro, tu peux le faire de la nuit même. Pas de soucis. Bisous. Allez, autre message laissé sur la ligne anti-relou. Gavrushka, moi aller avec toi au cinéma, toi pour être là. Pas comprendre moi. Non, pas aimer ça, pas du tout, ça ne va pas du tout. Je vais venir de chez toi, je vais te péter ta gueule. Parce que on ne me veut pas des coups comme ça, des lapins posés, moi, ça ne va pas. Très bien, ça a au moins le mérite d'être clair. Oh là là, non mais il fait peur. Hein. Bah oui, lui, mais c'est normal en même temps qu'il lui ait pas donné de nouvelles. Hein. Oui, c'est ça, mais maintenant s'il la retrouve. Ah oui, ça, bah, elle finira découpée dans le coffre d'une Lada. Probablement. Voilà, envoyée dans le canal. Oh, quelle horreur. Non mais le type, simplement. Le malade. Et oui, il y a des gens un petit peu bizarres. Oui, un peu bizarres. Mais bon, je suis entouré de gens bizarres. Troisième, je vois pas de qui tu parles. Non, rien non plus. Rien ne m'inquiète. Troisième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, c'est Francky. Tu m'as donné rendez-vous devant la société Electra Grasoline. Donc je suis là comme prévu. Ça fait déjà une heure que je t'attends. Je suis là dans ma grosse Audi. Si ça te fait plaisir d'aller faire un petit tour dans la voiture, comme ça on passera un petit peu dans ton quartier et... Voilà, comme prévu, quoi. Okay. Bien sûr. Allez, merci, salut. Hein. Voilà, grâce à eux, tous les matins, on a l'occasion d'écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Retenez bien ce numéro, 0473 86 0013. Vous en avez marre des mecs qui vous prennent la tête en soirée? Je sais que t'es belle. Vous en avez assez des meufs relous? J'ai pas fait mes ongles, je suis pas bien. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. 0473 86 0013. C'est passé. Elle, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Nous allons maintenant faire chier le monde, évidemment. Et ce matin, Tof, tu vas appeler qui, alors? Ce matin, je me suis dit que j'allais appeler des gens pour les réveiller, en fait, et leur dire que comment je vais expliquer ça. Comment tu vas expliquer ça? Il vaut mieux le savoir, non, parce que sinon après ça va être un petit peu compliqué. Non, mais hein. en gros, je me suis fait arrêter parce que j'étais bourré. D'accord, et tu vas appeler quoi? Tes parents? Mais non, en fait, je sais pas si vous avez entendu cette histoire, c'est un Anglais qui rentre chez lui, en fait, c'est pas chez lui, c'est chez le voisin. Ouais. Et donc, il va se mettre au lit, sauf que dans le lit, il y a déjà le voisin, et donc ça s'embrouille. Forcément un peu sa gueule. Voilà, et donc ils se sont mis sur la gueule. Et tu t'espères quoi là du coup? Qu'on vienne me chercher au commissariat, parce que bon, je veux pas dormir en prison, moi. D'accord. Bon, c'est pas gagné, mais ok, on va appeler dans quelle ville alors? Bon, on va essayer Ronquière une fois. Ronquière, oui. D'accord, ok. On va se laisser glisser sur le plan. Écoute, c'est ça. Allez, c'est parti, on y va. Appelons directement à Ronquière. En même temps, à 6h54, je suis pas sûr que les gens viennent te chercher au commissariat, mais bon, c'est jamais. Mais si. Ah non, vraiment. Puis Orman et Snoop aussi, juste après. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. C'est moi. Voilà, je vous appelle parce que je me suis fait arrêter par la police. Oh, vous faites erreur, monsieur. Mais non, c'est moi, viens me chercher à la police. Mais c'est moi. Mais qui, moi? Mais moi, enfin, dis, arrête de jouer. D'accord, j'ai un peu bu, mais tu pourrais quand même venir me chercher. Écoutez, monsieur, moi je ne sais pas qui vous êtes, je raccroche. Mais c'est moi, raccroche pas. Fille-moi. Mais c'est moi, enfin dis, tu me reconnais quand même. Comment est-ce que je vous appelle? Comment ça, comment est-ce qu'on m'appelle? Comme d'habitude, appelle-moi chérie. Enfin. Ah non, ça n'a pas l'air de l'avoir fait faire rire. Hein. Je comprends pas pourquoi. Non, mais nous on comprend pas non plus. Hein. Ça doit être le chéri. On va la rappeler. Elle m'a pas reconnu. Bah c'est ça, c'est dommage qu'elle reconnaisse pas son homme. Bah oui. Un homme tellement beau. Masculin. Oui, c'est moi. Monsieur, vous faites une erreur. Allez, sois cool, viens me chercher. Je sais monsieur, que j'aurais pas... vous faites une erreur. Mais arrête de dire ça parce que tu sais que la police est là. Viens me chercher. Monsieur, vous faites une erreur, je vous dis. Mais non, je sais encore faire mon numéro de téléphone, hein. Si je fais une erreur... Où est-ce que vous êtes ici? Où est-ce que vous téléphonez? C'est moi. Où est-ce que... Oui, mais où est-ce que c'est que vous téléphonez? Dans ma maison. Enfin... Mais vous n'êtes pas... Moi, je ne vous connais pas, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, alors, si vous ne me connaissez pas? Je ne vous connais pas. Bah oui, mais pourquoi vous êtes dans ma maison? Vous me cambriolez? Laissez-moi tranquille. Hein? Vous avez des problèmes pour raccrocher? Vous avez bu un peu aussi, non? Ah, ça y est, vous avez réussi. Voilà. C'est bon. Eh ben voilà. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux après? Ah non, mais on s'en refait pas, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. Bah non, mais de Tof, on ne fera plus rien. Non, c'est clair. Bon, on rappellera tout à l'heure, Tof, alors. Hein. Avec plaisir. Voilà, tu as besoin de nous envoyer un petit verre supplémentaire à la petite sœur. Je crois qu'il y a de la vodka encore. Eh bah très bien, faisons comme ça alors. Parfait. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio.